Mireille rencontre sa tante Georgette et Sido. Bonjour ma petite Mireille, comment vas-tu? Ça va, merci, toi? Ça va? Oh, moi, ça va pas trop bien. Ça va pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Non, je ne suis pas malade, non. Ça ne va pas fort, je suis fatiguée. Oh, ça va aller mieux. Et toi mon petit Sido, comment tu vas? Tu vas bien? Tu n'es pas fatiguée, toi, tu vas très très bien. Oh, tu as un gentil toutou. Oh, lui, la santé, ça va. Il n'est pas malade, lui. Il n'est pas fatigué, lui. Oh là là, je vais prendre retard. Au revoir, ton jour. Mais où es-tu? À la fac. Je vais prendre retard. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, ma petite. Allez, viens, Sido. Viens. Bonjour ma petite Mireille, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Oh, moi, pas trop bien. Pas trop bien. Pas trop bien. Moi, pas trop bien. Oh, moi, pas trop bien. Comment va tante Georgette? Pas trop bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Tu es malade? Ça ne va pas? Ça ne va pas? Ça ne va pas? Ça ne va pas? Tu es malade? Tu es malade? Tu es malade? Je ne suis pas malade, non, mais ça ne va pas fort. Je suis fatigué. Non, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Mais ça ne va pas fort. Ça ne va pas fort. Ça ne va pas fort. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Oh, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Oh, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Et toi, mon petit Fido, tu vas bien? Et toi, mon petit Fido? Et toi, mon petit Fido? Oh, lui, la santé, ça va. Ça va, ça va. Lui, la santé, la santé. Ça va. Oh, lui, la santé, ça va. La santé, ça va. Il n'est pas fatigué, lui. Lui. Lui. Il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué, lui. Il n'est pas fatigué, lui. Tante Georgette est fatiguée. Et Sido, il est fatigué? Non, il n'est pas fatigué. Ouh là là, je vais être en retard. Ouh là là, ouh là là. Je vais être en retard, en retard, en retard, en retard. Je vais être en retard, je vais être en retard. Mais où vas-tu? Mais où vas-tu? Mais où vas-tu? Mais où vas-tu? À la fac. Mm-hmm.